Nous venons de voir réunion pour réunion. Rappelez-vous que l'on expliquait dans les autres méthodes qu'un grand nombre de mots se terminant par ION en français se disaient de la même façon en espagnol et que les seules choses qui changeaient étaient la prononciación et l'orthographe parfois. Ces mots sont presque tous féminins en espagnol et portent tous un accent sur le O, car il défie la règle du son, celle disant que l'on insiste sur l'avant-dernière syllabe à l'oral lorsqu'un mot se termine par une voyelle S ou N. Je vous rappelle aussi que l'accent écrit en espagnol ne sert pas à indiquer comment se prononce une lettre comme en français, avec l'accent grave et l'accent aigu. Il indique où il faut insister à l'oral. Donc, dans prononciación, P-R-O-N-U-N-C-I-A-C-I, au accent aigu N, il faut insister sur la syllabe contenant le O, vu que c'est cette lettre qui porte l'accent. Il n'y a donc, en espagnol, qu'un accent que l'on écrit du bas vers le haut. Revoyons quelques exemples qui vous sont familiers. Une bonne partie des mots français se terminant par T-I-O-N finissent par fion, C-I au accent aigu N. Donc, comment diriez-vous condition? Condición. Condición. La condición. Maintenant, comment dit-on la confirmation de la réservation? Bien, la confirmación de la reservación. Écoutons Roberto dire les mêmes mots. La confirmación de la reservación. Il a dit la même phrase avec une prononciation légèrement différente à certains endroits. Moi, j'ai dit confirmación, reservación. Et il a dit confirmación, reservación. Il a prononcé les C de fion comme s'il s'agissait de S. Carmen, tu peux nous dire toi aussi cette phrase? La confirmación de la reserva. Tiens, vous avez entendu? Carmen a dit reserva et non reservación. Mais c'est normal. En Espagne, on emploie reserva et non reservación. Ce dernier s'emploie surtout en Amérique latine. Comment diriez-vous maintenant attention? Bien, atención, avec un seul T, bien évidemment. Et formation? Formation. Donc, on a atención, formación, etc. Si en espagnol, mot se dit palabras, P-A-L-A-B-R-A-S, et prêter attention à, prestar atención à, avec prestar s'écrivant P-R-E-S-T-A-R, comment diriez-vous? Il est nécessaire de faire attention à la formation de ces mots. Allons-y petit à petit. Dites-moi d'abord, sans traduire le « de » après « nécessaire », il est nécessaire de prêter attention. Es necesario prestar atención. Es necesario prestar atención. Et dites maintenant à la formation de ces mots. A la formación de estas palabras. A la formación de estas palabras. Inspirez maintenant profondément et dites-moi en entier. Il est nécessaire de faire attention à la formation de ces mots. Es necesario prestar atención a la formación de estas palabras. Pouf, c'était long, n'est-ce pas? Es necesario prestar atención a la formación de estas palabras. En espagnol, assister se dit assistir, qui s'écrit A-S-I-S-T-I-R. Donc, comment diriez-vous? J'ai l'intention d'assister à cette convention à Madrid. Dites d'abord, j'ai l'intention. Notez que l'apostrophe n'existe pas en espagnol. Tengo la intención. Tengo la intención. Et ensuite, comment dites-vous d'assister à cette convention à Madrid? Je vous rappelle que le A devant n'importe quel nom de ville se traduit par N en español. De asistir a esta convención en Madrid. De asistir a esta convención en Madrid. Dis de nouveau. J'ai l'intention d'assister à cette convention à Madrid. Tengo la intención de asistir a esta convención en Madrid. Tengo la intención de asistir a esta convención en Madrid. Dites-moi maintenant, mes intentions sont bonnes. Mis intenciones son buenas. Mis intenciones son buenas. J'espère que vous aviez bien réfléchi avant de mettre intención au pluriel. Il faut rajouter ES lorsque le mot se termine par une consonne. Ce passage au pluriel fait aussi disparaître l'accent écrit sur le O, car le mot respecte alors la règle du son. Il se termine par un S et on insiste à l'oral sur l'avant-dernière syllabe. Donc, l'accent écrit n'est pas nécessaire. Intenciones. Dites maintenant, l'association organise une exposition. Organiser se dit organizar. O-R-G-A-N-I-Z-A-R. La asociación organiza una exposición. La asociación. Ce mot n'a lui aussi qu'un seul petit S. Organiza une exposition. Comme le démontrent ces exemples, l'espagnol n'est pas très généreux avec ses consonnes, mais il peut toutefois redoubler. Il existe beaucoup de mots se terminant par C, C, I ou accent aigu N, comme acción pour action, convicción, conviction, infección, infection, construcción, construction, satisfaction, satisfaction. Ce doublement est logique, vu que la terminaison T-I-O-N en français devient C-I-O accent aigu N en espagnol et qu'il y a déjà un C devant T-I-O-N. Il est donc normal que l'on ait deux C en espagnol. Voyons si vous avez compris. Pouvez-vous me traduire maintenant direction? Direction. Direction. Ce mot à deux C en espagnol. On l'écrit D-I-R-E-C-C-I au accent aigu N. Et vous l'utiliserez souvent, puisqu'il signifie aussi adresse. En utilisant l'expression « «qué lástima», », qui signifie « «c'est dommage», », et s'écrit en deux mots, Q-U et accent aigu, plus loin, L, A accent aigu, S-T-I-M-A, comment diriez-vous? Je n'ai pas l'adresse de Carmen. C'est dommage. No tengo la dirección de Carmen. Qué lástima. No tengo la dirección de Carmen. Qué lástima. Comment direz-vous maintenant? Je n'ai pas l'adresse de Roberto. C'est dommage. No tengo la dirección de Roberto. Qué lástima. No tengo la dirección de Roberto. Qué lástima. Je vous le répète, mais prenez votre temps avant de dire les phrases. Réfléchissez bien et dites-les ensuite. Michel Thomas était très insistente à ce sujet. Pourriez-vous dire maintenant « «Je n'ai pas la traduction». ». Bravo, c'est ça. No tengo la traducción. Redites la phrase, s'il vous plaît. Je n'ai pas la traduction. No tengo la traducción. No tengo la traducción. Traducción avec deux C. Bon, assez bavardé. Voici un autre mot se terminant par ion, parmi les centaines qui existent. Comment diriez-vous, en utilisant mejor, M-E-J-O-R pour meilleur, et gracias a pour grâce à? Ma prononciation est meilleure grâce à Roberto et Carmen. Mi pronunciación es mejor gracias a Roberto y Carmen. Mi pronunciación es mejor gracias a Roberto y Carmen. En fait, ce que Carmen et Roberto vous montrent, ce sont deux options. Dos opciones. Le castillan, el castellano, c'est-à-dire l'espagnol d'Espagne, et l'espagnol d'Amérique latine.